De retour chez lui, le pauvre avocat apprit que l'on craignait pour la raison de sa mère. Le docteur Bianchon, le docteur Larabite, le professeur Hangard, réunis en consultation, venaient de décider l'emploi des moyens héroïques pour détourner le sang qui se portait à la tête. Au moment où Victorin écoutait le docteur Bianchon, qui lui détaillait les raisons qu'il avait d'espérer l'apaisement de cette crise, quoique ses confrères en désespérassent, le valet de chambre vint annoncer à l'avocat sa cliente, Madame de Saint-Estève. Victorin laissa Bianchon au milieu d'une période et descendit l'escalier avec une rapidité de fou. « Y aurait-il dans la maison un principe de folie contagieux ?» dit Bianchon en se retournant vers Larabite. Les médecins s'en allèrent en laissant un interne chargé par eux de veiller Madame Hulot. « Toute une vie de vertu !» était la seule phrase que la malade prononça depuis la catastrophe. Lisbeth ne quittait pas le chevet d'Adeline, elle l'avait veillée, elle était admirée par les deux jeunes femmes.